Que j'en fais des tonnes pour des dîners d'euros. J'ai train de vie et beaucoup d'euros, rien ne détonne. Mais boy, je doute que ça fonctionne. J'ai essayé, je vais pas mentir, mes attitudes ne trompent personne. Non, non, j'ai pas envie de trop m'investir, donc c'est ici que je t'abandonne. J'ai pas trouvé de raison majeure. La vérité, c'est que je m'ennuie. Surtout ne m'en viens pas rigueur. Oh non, j'ai jamais cherché cette vie. Tous ces repas dans le 20h, à la recherche du vrai bonheur. Désolé, je veux pas que ça me tue avant l'heure.